Chapitre 2. Le pouvoir extraordinaire que Dan O'Sullivan exerçait sur les chevaux se manifesta dès les premiers jours. On lui avait donné à penser les sujets les plus difficiles, tous étaient devenus souples et dociles comme des moutons. Et la méthode que l'Irlandais employait était invariablement la même. Le soir, pendant que les nobles animaux, leur avoine consommée, tiraient à loisir le foin parfumé des râteliers, O'Sullivan entrait dans les boxes des plus farouches, et évitant adroitement les ruades et les coups de dents du début, il leur murmurait à l'oreille certains mots, fatidiques bien évidemment. Les chevaux écoutaient d'abord, l'oreille basse, le regard de travers, puis ils hennissaient joyeusement et redressaient la tête. À partir de ce moment, leur caractère semblait se transformer et quelques jours après, ils étaient totalement domptés. Le palefrenier fut vite élevé en grade par le duc de Cumberland et sa renommée se répandit dans tout le pays jusqu'à Londres même sous le nom de charmeur de chevaux, Sullivan, the horse charmer. Un jour, on va dire au charmeur qu'un gentilhomme, voisin du duc de Cumberland, venait d'être jeté bas par son cheval et blessé terriblement. L'animal était parmi les plus farouches qu'on eût jamais rencontrés, et c'était déjà le troisième homme qu'il mettait à mal. À la vue d'un palefrenier ou d'un cavalier, la crinière de ce cheval indomptable se dressait, son œil hagard exprimait la terreur, et quand, après cent essais infructueux, on était parvenu à l'enfourcher, c'était des bonds, des ruades, des défenses qui ne finissaient qu'avec les forces du cavalier. Dan O'Sullivan se rendit à la demeure du gentilhomme. On avait abandonné le dangereux animal dans un enclos près de son écurie. Le charmeur entra résolument dans l'enclos et, au bout de quelques instants, réussissait à faire reculer le cheval jusque dans son box. Puis, il s'enfermait seul dans l'écurie avec lui. Les spectateurs aux écoutes entendirent pendant quelques instants les sabots du cheval piétinant les dalles et frappant les parois de son box. Les murmures de la voix de l'homme arrivaient jusqu'aux oreilles, malgré les coups furieux de l'animal qui semblait vouloir se débattre sous une volonté implacable. Enfin, tous ces bruits se calmèrent et un grand silence succéda. On commença à se regarder avec inquiétude, pensant que cette fois le charmeur avait été tué, mais la voix de Dan retentit. « Entrez, s'écria-t-il, venez voir ce sauvage animal. » Gentilshommes, piqueurs et palefreniers se précipitèrent dans l'écurie. Le charmeur était dans le box, assis tranquillement entre les jambes de devant du cheval, qui, complètement subjugué, ne bougeait plus. À dater de ce jour, le terrible animal se laissa approcher et montait même par le plus petit latte de l'écurie. Ainsi la renommée de l'Irlandais Dan O'Sullivan alla en grandissant, et les offres les plus séduisantes lui furent faites à maintes reprises par les principaux éleveurs de chevaux et les turfistes les plus riches d'Angleterre. Mais outre que le duc pouvait payer, et payer princièrement tous ses gens, Dan le charmeur de chevaux était attaché à son maître par la reconnaissance. Du reste, il était arrivé au poste de piqueur en chef des écuries de course du noble duc, et c'était là le summum de son ambition. C'est à O'Sullivan que l'on doit le système d'entraînement dont on suit encore les principes fondamentaux aujourd'hui. L'Irlandais fut le premier entraîneur raisonné que le turf ait possédé. Depuis longtemps, il avait supprimé tous les appareils de force à leur usage pour les chevaux. Mors lourds et massifs, déchirant les barres, chanfreins à pointe, martingales à poids avaient été relégués au fond des selleries. La douceur, la patience et les caresses furent mises par O'Sullivan à l'ordre du jour. Injonction formelle fut faite de ne jamais employer à l'entraînement ni cravache ni éperon. Le résultat de ce système furent surprenants. Les qualités extraordinaires de cette race hippique, créée 30 ans auparavant, qualités qui avaient été jusqu'alors cachées sous une sauvagerie presque féroce, prirent un développement sans égal et se montrèrent dans tout leur éclat. Bientôt, les descendants du fameux Godolphin, sans exception, devinrent bien supérieurs aux chevaux ordinaires du pays. Les victoires répétées du duc de Cumberland sur le turf, avec ses produits de pur sang, furent le signal de l'abandon complet du cheval anglais comme cheval de course.